L'EP digital, je rappelle digital parce qu'il y a beaucoup de demandes. Est-ce que ça existe en CD? Non. Vous le trouverez pas dans les FNAC, dans les magasins, c'est en digital. Uniquement sur les plateformes. Voilà. Et comme on est vendredi, on va aussi parler avenir. Et l'avenir, c'est vrai que ça approche, hormis la tournée, il y a aussi cet album de Blacko. Ouais, là, qui sortira pour le coup en digital, je pense aussi. Ouais, ça sera en digital et en physique. En physique et en digital. Les deux. Voilà. En vinyle aussi. Ah, peut-être. Peut-être. Et en cassette. En mini-disque et Ah oui, en DAT. En DAT. Il fallait être initié pour se souvenir de DAT. Un DAT, nous a annulé pour les anciens. Ça, c'est son ancienneté direct. DAT. Je te remercie. Non, mais je veux dire dans le sens... Bon, parlons justement un petit peu de l'avenir et de cet album que vous êtes en train de faire encore avec Arise, hein, dans le studio. Concrètement, on en est où sur cet album? Là, on frôle la dizaine de titres. Moi, j'en ai où l'instru, j'ai envie que ça bouge, de changer. Mais niveau texte, ça va, j'ai des trucs. Bon, on a un premier mercredi qui avait un morceau avec Sniper qui s'enregistrait aussi. Voilà, j'ai un morceau qui doit se faire avec Kenny Arcana. Mmh. J'ai envie d'inviter le petit Kenyon. Ouais. Sur un titre qui s'appellerait MC Reggaeman. Lui-même, il sait pas, il va entendre. Il va dire, mais attendez. Oh merde, je suis pas au courant. Personne me l'a dit, ça. Kenny Arcana, elle est au courant. Ouais, Kenny Arcana, elle est au courant. Kenyon, c'est voilà. C'est un message, Kenyon. De toute façon, il connaît, il sait, j'apprécie ce qu'il fait et tout, donc voilà. Eh bah écoute, Kenyon, voilà, tu l'apprends, tu seras sur Dualité. Bang. Alors, c'est pas mal, ça bien. Il y a Jazzy Fizou aussi. Ouais, toujours pas très loin. Parce que c'est la famille quand ils se recordent et tout, c'est voilà. La tendance musicale, il y aurait un son particulier ou pareil, tu vas chanter, tu vas continuer à kicker? Je vais mélanger. Il y aura de la trap, des morceaux posés, des morceaux conscients. Mais même les morceaux trappeux, ils auront un sens, quoi. T'écris beaucoup en ce moment, t'as beaucoup de, justement, d'idées, de là, thèmes. Là, j'ai pas le temps parce qu'on veut tourner, on bouge, mais ouais, j'ai la tête pleine d'idées. Tu l'envoies 2-3 freestyles à faire, les gardes, tu choisis ce que tu veux. Tiens, on récupère ça. Ah bah oui, attends, ouais. Grave celui-là. Il y a eu un moment justement où t'avais plus d'inspi. Mais en fait, le doute, ça crée le chaos. Voilà, en fait. Quand tu sais plus trop quoi emmener, quoi dire pour les gens. Parce que tu dis, bon, ces propos que j'ai eu dans mon album reggae, on m'a dit que je suis fou à cause de ça, je vais pas. Tu sais plus. Mais on t'a traité de fou, non? Ouais, si, même que ça soit dans le quartier ou même dans des rendez-vous de maison de disques. Non, mais Blacko, finalement, t'as l'air bien dans tes baskets. C'est pas... Pourquoi? Parce que t'étais justement parti, t'avais besoin de te ressourcer, on l'a dit. Ouais. Parce que les gens, ils ont pas compris. C'était une recherche humaine, quoi. Voilà, ils ont pas compris le départ du groupe et le que j'étais à la quête de moi-même, en fait. Ah, donc t'es fou. Ouais, si ça, c'est de la folie, voilà, enfin bref. Mmh. Voilà, quoi. Bon, a priori, là, ça va, hein, t'as les têtes. Non, je suis bien. Sur les épaules. Et on suivra ça. Et puis, avoir un peu de folie, c'est pas non plus un truc dramatique. Hein. C'est bien aussi de temps en temps avoir un peu de folie. Et là, Fred, j'aimerais quand même dire un moment crucial. Il va prendre le micro Ce qui est là. L'homme de la situation. Le vrai Drixé que j'aime. Ouais. Alors, présent, qui nous introduit Drixé? Voilà, moi, je vais l'introduire de ma façon. Après, ce sera Blacko. C'est plus une affaire de toi. Mais Drixé, c'est comment dire? C'est le grand frère, c'est le papa. C'est un homme de l'ombre? Très. Très, un homme de l'ombre qui apporte de la lumière. C'est un grave problème pour lui. Tu vois. Et voilà, c'est lui qui nous gère. Parce que tu connais, nous, on est des petits enfants encore. Tu vois. Non. Et là, c'est tant mieux en même temps. Voilà, tu vois. Donc lui, il nous gère. C'est lui manager. C'est lui qui gère tout. Voilà. Donc c'est ton manager? Ouais, c'est mon manager. C'est Drixé. Voilà, c'est lui qui a fait que depuis 2007. On sait qu'on est en 2008. Hein. Ouais, 2008. Voilà, 2008, depuis. Le moment où t'étais dingue. Ouais, le moment de la dinguerie. Le moment de la dinguerie totale. Non, même pas. Voilà, en fait, lui, il bossait sur un projet à l'époque qui s'appelait Purple Thing. C'est une compilation reggae, un One Redeem. Et il m'avait demandé de participer. Et depuis, on est là, quoi. Et on se lâche plus. C'était en 2006. On se tient les côtes. Toi, c'est nouveau pour toi, justement, le management d'artistes, ou c'était quelque chose déjà que tu pratiquais avant aussi? En fait, je pratiquais à l'époque parce que j'étais dans le milieu reggae. J'avais des sound systems qui s'appelaient Back to Zion. Bon, bref. C'est vrai qu'à l'époque, je m'occupais aussi d'artistes dans le reggae dancehall. Donc, c'est vrai que je connaissais un petit peu quand même ce côté management. Et je m'occupais aussi des tournées aussi un petit peu partout avec chaque cadre. Il est humble. Après, nous, on s'est check en 2006. Voilà, comme tu as dit, avec le Purple Thing, on s'est retrouvé en 2008. Mmh. Et depuis 2008, on s'est pas. En fait, c'est grâce à des mecs comme lui que. Moi, c'est le côté chant pour Enfant du Soleil. Mmh. Mais si cet album il a pu être entendu et écouté comme ça. et qu'on ait pu faire des concerts à droite à gauche jusqu'à Nouméa, jusqu'au Gabon. Et ouais. C'est lui qui était derrière tout ça, donc voilà, l'homme de l'ombre qui ramène de la lumière. Toi c'était quoi forcément, parce que t'avais une idée derrière la tête quand tu t'es rapproché forcément de Blacko pour l'emmener un petit peu plus loin ou encore c'était quoi l'idée, c'était le challenge? Non, j'avais même pas d'idée parce qu'au début Blacko c'était un ami. Ouais, voilà. Tu vois, avec un grand A. Tu vois. Et après, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de galères. Même pas côté musical, tu vois. La vie, côté privé, la vie de tous les jours. Et après, c'est vrai qu'aussi, moi qui étais dans la musique et Blacko qui avait une belle carrière aussi de son côté, tu vois, de sniper, forcément, il y avait des choses à faire. Et après, c'est là qu'on s'est mis vraiment ensemble. Et on a traversé des déserts jusqu'à arriver par ici. Mais toi, donc, forcément, tu n'avais pas de doute. Tu disais, il va revenir, ça va faire mal. J'étais sûr que même si Blacko n'était pas là pendant 8 ans, on a eu beaucoup de problèmes. Voilà, il croyait plus que moi. Et je savais qu'il y avait quelque chose à faire malgré les problèmes que nous, on avait derrière. Et au jour d'aujourd'hui, on est en 2015. Ouais. Et je suis très ravi que Blacko revienne sur les ondes. Et qui ressortent un petit mini album et un album là pour et puis l'adhésion du public, on disait troisième vente digitale, ce qui est pas rien, c'est quand même. Je suis content et le temps est compté. Depuis le départ, ça fait un an que j'y crois. C'est le premier son qu'on a fait. Tu vois, au studio, laisse-le finir. Regarde, il est souvenir. Non mais il n'ose pas. Il dit pas. Il était en train de me voir sur les vidéos, sur ce que tu disais là-dessus. Moi j'y crois vraiment sur. Ça fait un an que j'y croyais sur le temps est compté. Tu vois, malgré que après on a fait différents morceaux aussi pour l'album qu'on n'a pas mis sur le EP. Mais moi depuis le début j'y croyais à mort, à fond. Le temps est compté. Boum. Et même au bout de, au mois de décembre 2014, on me disait non, c'est pas celui-là. Je pense qu'on va partir sur celui-là, mais je leur disais mais non, moi je suis sûr. Non, c'est le temps est compté. C'était sûr. Et après c'est vrai qu'on a beaucoup bossé. Ryzé, franchement, je le félicite. On a passé des nuits blanches, mais de ouf quoi. Et Ryzé, c'est quelqu'un qui bosse. Et vraiment, c'est un travailleur, on partage des moments de vie, des moments de son, des moments. C'est comme ça. Mais dans la musique, c'est un bosseur. Ouais. Et ben, merci d'être après dans la vie. Et bravo. On s'est tous auto-starraf là. Bravo. Comme ça, moi, y a pas de. C'est important. Voilà, c'est aussi. C'est vrai que t'entends parfois des morceaux, mais il y a aussi toute une histoire derrière. Exactement. Après, les gens, ils connaissent pas forcément ça. Ils écoutent un artiste, ils savent pas vraiment ce qui se passe. Après, c'est un EP qui dure 35 minutes. Mais derrière, il y a un an, l'album. Il y a un an de boulot quand même, tu vois. Et si dualité qui arrive donc. Vous écoutez un petit son. Et ben allons-y, quel morceau? C'est Dricos qui choisit. Alors, c'est sûr ça. Du EP, tiens. C'est toi. C'est toi qui dis. À ton tour. Ah, il faut, c'est dur, il faut choisir. Ça non plus, mais. Allez. Moi, je kifferais bien La rue, c'est pas ma mère. Vraiment. Parce que c'est la sagesse qui parle. Je crois que c'est validé par l'ensemble du studio. Crois-moi. Et c'est extrait du EP, le temps est compté. La rue, c'est pas ma mère tout de suite. J'ai délaissé ma mère, j'ai délaissé mon père pour aller traîner en bas. La rue était mon repère, elle était ma fierté, mon honneur, mon combat. Je t'aurais sauté dessus si tu en parlais mal, si tu ne la respectais pas. Avec elle j'étais le jour, j'étais la nuit, mais je n'étais jamais vraiment moi. Elle m'a appris à jouer des rôles et son rôle m'a appris à avoir le cœur froid. Elle m'a souvent écarté du bon chemin, m'a souvent empêché d'être un fils roi. Elle m'a appris un tas d'insanité, m'a même appris à jurer sur ta tête. Elle m'a volé du temps, trop de temps, oh ma petite maman, comme je regrette. La rue c'est pas ma mère, aujourd'hui je ne peux que regretter. La rue c'est pas ma mère, non, oh, quand je repense à tout ce que j'ai fait. La rue c'est pas ma mère, maman j'aurais dû t'écouter. La rue c'est pas ma mère, non. J'en ai passé des heures, posé à rien faire, posté dans le holo quartier. À fumer des spliffs, déconner, discuter, regarder le temps passer.

ne te trompe pas. Essaie de choisir ce qui est bon pour toi. Tu sais, on n'est que de passage, on vit qu'une seule fois. Choisis. Yeah, yeah, yeah, yeah. Choisis. Choisis à l'instant. Bah écoute, catastrophe. C'est la fin de semaine. C'est normal, c'est on la a on a tout le week-end pour réparer. Ça renverse les verres sur la table. Oh là là. Ah oh, sur non, oh, sur, oh, sur oh, le non, non non non non. Voilà, pas ça, voilà au moins il y a un applaudissement, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Choisis à l'instant. On me précipite, on me dit vite. J'étais en train de danser moi avec mes potes. Alors que t'étais bien, t'étais parti là. Ah non, on était là, on était en train de choisir, on discute entre nous, choisis et enfin bref. Finalement. Et bah dans un instant on mettra un autre morceau, tu pourras encore danser hein, pas de problème. Voilà, moi j'aime bien vivre mon son, tu vois, vivre ce que j'écris. Bah ça se ressent en tout cas. Everyday, c'est ça. Pour ceux qui suivent aussi, qui ont suivi les images sur le Skyrock FM. Et on est par téléphone avec Nahir de Bobigny. Allô Nahir. Allô. Ça va bien Nahir, en pleine forme? Ouais, tranquillement. Tout roule, je te présente Blacko, c'est notre invité cette semaine. Yes, Bigo. Ouais, salut Blacko. Salut à toi frère. Tu es prêt à nous faire un freestyle Nahir? Ouais, je suis prêt. Et bah ça tombe bien, c'est l'heure du freestyle par téléphone, on t'écoute. Ok. Le DG. Ok. Tu parles, baisse d'un ton, LEDG, donc tu montes le son, tous ces fils de m'ont invité, sans hésiter, j'ai froissé, on m'a boycotté, son ne crie pas, qu'on ne rit pas, n'autorise pas, clique pas, je ris pas, ouais c'est rip en riant de ton idole, je me limite pas, qui ça, t'as des clés au truc, 24 sur 24, contre-attaque, j'en gradale, puis là qu'on la dalle, t'as pris flow à ta mère, j'ai pris toutes mes causes pour montrer que les rageux n'ont pas la dalle, LEDG, ma vie a dans le bloc, négro tu comprends pas, LEDG, ma vie a dans le bloc, on a improvisé pas, on fera le braco. Avec même Blacko, LEDG ma fille a menti avec des Skyrock mon négro. J'arrive sur le bloc, viens tous les tarter. J'entends même pas l'instru mais c'est pas grave, l'improvisation est là. Dès que le flow est là, feu de malade. J'espère que t'as un certificat médical. Feu de malade. J'espère que t'as un certificat médical. Ok. Yeah. Eh ben écoute, c'était carré, propre, précis pour conclure cette semaine. Et tout, bien, j'aime bien. Il a osé. Merci. On peut t'en trouver. Tu as 2-3 dédicaces à filer. Vas-y, on t'écoute. Ouais, dédicaces à mon groupe, LEDG. À tous mes potes de Boboche. Et vous pouvez aller voir sur le Twitter officiel, LEDG officiel. Facebook, pareil, LEDG officiel. Et demain, il y a la sortie du clip, Chacalerie 1. Et voilà. Chacalerie 1. Ouais. Les batteries, bon, on ira suivre. Merci à toi. On suivra ça. Big up à toi, frère. À bientôt à Bobosch. Merci, Blacko. Merci, Big up, frère. C'est Blacko, notre invité, entre 20 et 21 sur Skyrock, avec l'EP digital qui s'appelle Le temps est compté. Toujours. Avant de passer au live, messieurs. Raizé, on va y aller, mais peut-être qu'on peut mettre un morceau. Maintenant, là, tout de suite. Ben non, mais on met un morceau et après tu vas faire. Alors, moi, je peux choisir mon morceau. Choisis ton morceau. Bon. Un morceau qui te rappelle quelque chose en particulier, l'enregistrement, quand tu l'as écouté ou... Je dirais que... Grosse réflexion. Le suspense. Franchement, allez, je vais mettre Préviens-les parce qu'il était dans... Il était dans une période bien spécifique, tu vois. Il était dans les débuts. Et qu'est-ce que ça me fait rappeler? Bah, les bons plats que ma mère, elle nous faisait. C'est vrai. Gros big up à ma mère. Big up. Mama Love. Quelle famille, quand même, la famille des Rise. Hein. C'est ça qui est bien. Ma mère, c'est ça qui est bien. Tu vois, là-bas, elle nous faisait un peu à manger, tout ça, donc ça me rappelle ça. Et il y avait quoi alors au menu sur ce morceau? Franchement, ça devait être du saumon. Du saumon avec du riz, c'est ça. De toute façon, c'est une histoire de Renoir, nous. Même au dessert, du riz. Il y avait forcément du riz. Bah, ça sert à rien d'en parler. Même pendant le dessert, t'as du riz quelque chose. Comment ça, il y a du riz quelque chose. Donc voilà, préviens-les. Et puis parce que voilà, le clip est disponible. Et puis parce que voilà. Fait par Yopsy, toujours big up. Voilà, gros big up à Yopsy. Voilà. Donc allez, viens les LTEC, c'est là. Bang, c'est disponible. Bang, va le chercher. Bang, laisse bang rouler. Ah ouais. Ah. Let's go. attends, check ça. Dracorisé, on la met ça. Après, va leur dire. Je n'ai pas l'intention de renoncer. Jusqu'ici, j'ai pu tenir. J'essaie de continuer à avancer, même s'il m'arrive de faiblir. Je renais de mes cendres. J'ai des rageux à faire parler, un public à surprendre. Ils veulent de la vibe, je vais leur en donner. Au fait, moi c'est Blacko, oui si si tu connais. Frérot, va leur dire que j'ai gardé mon éthique. Que rien n'a changé, que je suis resté dans la même optique. J'essaie de rester simple, ceci n'est que la suite logique. Si je chante, je le fais toujours par amour pour la musique. Ils sont pas prêts à leur dire. Je n'ai pas l'intention de renoncer. Jusqu'ici j'ai pu tenir. J'essaie de continuer à avancer, même s'il m'arrive de faiblir. Yeah. Je ne lâche rien, va les prévenir. Malgré les problèmes, les soucis, les galères, les mauvais plans, j'ai toujours positivé. La partie n'est pas finie, faut continuer d'aller de l'avant. J'ai encore une dernière carte à jouer. J'allais pas laisser tout tomber, vu le chemin que j'ai fait. Autant aller jusqu'au bout, il ne tente rien à rien. J'ai décidé de tenter le tout pour le tout. Ils sont pas prêts à leur dire. Que je n'ai pas l'intention de renoncer. Jusqu'ici j'ai pu tenir. J'essaie de continuer à avancer, même s'il m'arrive de faiblir. Je ne lâche rien, pas les prévenir. Spécial pour ceux qui coulent les plonges. Que j'abandonne, que je jette l'éponge, que je laisse tout tomber. Mesdames et messieurs, approchez, allez-y, goûtez, c'est de la bonne. Ceci est un produit de très haute qualité. Rise, balance une dinguerie, qu'on les mette d'accord. Qu'on leur donne un bail lourd, qu'on écrase les corps. Qu'on explose le truc là où leur trou le cul bien fort. Ils sont pas prêts, ça c'est Blacko et quand ils sont pas prêts, va leur dire. Je n'ai pas l'intention de renoncer, jusqu'ici j'ai pu tenir. J'essaie de continuer à avancer, même s'il m'arrive de faiblir. À l'instant, le morceau extrait du EP de Blacko, préviens les choisi par Erice, qu'elle a avec nous aussi. Elle est là depuis le début de semaine. Si. Blacko. Non, je remets le bouton, c'est pas moi qui l'ai enlevé, c'est... je le remets. Non, mais je te vois un peu, ça a encore dansé pendant On a dansé encore. Le morceau. Avec les frérots et tout, il y a mes cousins qui sont là, des amis proches. Donc on partage et tout ensemble et tout. Et bon, on partage pour cette dernière jusqu'à 21h. Et Rise, il est peut-être grand temps que tu te déplaces un peu là parce que. Le Rise et... Allez, c'est maintenant. Allez, c'est maintenant. Eh ouais, on va attaquer. Prends mon casque et franchement, c'est parce que. Prends le casque. Avant, fais une petite présentation. J'ai une petite présentation et tout à faire. En fait, j'ai un frère qui est là, c'est un compositeur qui s'appelle Nico Prod. Il est d'origine réunionnaise comme moi, il fait un boulot et tout sur La Réunion qui est pas mal. Et vu que. Je peux le dire en créole. Oui, bah vas-y. Si on a un peu de mal pour mettre à nous en l'air, ben nous profite un petit peu quoi pour mettre une affaire en l'air. Si. Toujours. Voilà. Donc vas-y, présente à vous un petit peu. Ça va bien, Nico? Ouais, ça. Alors ça va super et toi? Bah écoute, tout roule. Le 974 est là. Toujours. Voilà. Nous l'est là, ouais. Avec nous, tout va bien? Tout va bien. Ouais. Donc toi, t'as produit pour Blacko? C'est en cours. Voilà. C'est en cours. Il me fait écouter des trucs, il y a des trucs sympas, ça va arriver. Sinon, il y a d'autres choses que tu as fait, soit sur La Réunion, la métropole ou ailleurs. Alors, beaucoup au niveau de La Réunion, donc avec un peu plus, enfin tous les artistes qu'on connaît là-bas, donc du Meylan, du Doro Chang, bien sûr. Aussi au niveau caribéen, donc tout ce qui est antillais. Je travaille aussi beaucoup pendant une période avec des Jamaïcains, donc des Demarco, des Tioké, tout ça. Donc vraiment rentré dans la sphère jamaïcaine. Et puis j'ai fait quelques voyages aux États-Unis, Hong Kong, pour rencontrer d'autres gens et travailler un peu ailleurs. Voilà. Il a du talent de lourd, c'est lourd ce qu'il fait. Il y a d'ailleurs un son particulier Réunion qui est différent de des Antilles comme Martinique, Guadeloupe ou... Le Maloya. Voilà, Maloya. C'est le Maloya, mais le Maloya c'est traditionnel, c'est que percussion. Voilà, après, c'est dernière. on s'acclimate aussi à tout ce qui se fait, tu vois, dancehall, rap, ouais. Reggae. Bon, c'est vrai qu'Antilles, ouais, c'est très dancehall. C'est comme la mixité qu'il y a là-bas au niveau culturel, au niveau des gens, tu vois. En musique, c'est pareil, tu retrouves un peu de tout, quoi. Il y a un peu de tout, ouais. Ouais, voilà. Et eh ben, on découvrira ça. Voilà. On peut te suivre, toi, Nico, justement, pour avoir quelques infos sur toi et sur ce que tu fais. Oui, alors, on peut me suivre un peu sur tous les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, même sur YouTube. Donc, sur Nico Prod, donc c'est N-I-K-3-O et Prod. N-I-K-3-O, Prod. Et il y a la petite madame qui est là aussi. Elle a un très fort potentiel et tout. En fait, c'est lui qui compose des trucs. Et présente-toi un petit peu. Ou alors présente-nous, ouais. Nico. Présente. Voilà, donc présente, bah, je vous présente Tipiment. Voilà. Donc, réunionnaise aussi. Mmh. Donc, nous, ouais. Toujours aussi dans la direction hip-hop. Donc, hip-hop féminin en créole réunionnais. Donc, on travaille depuis à peu près un an et demi. Donc, il y a déjà 4 clips à son actif. Presque le million de vues atteint sur un des clips qu'on a sorti. One Taba One Sleep. One Taba One Sleep, voilà. Quelle voix d'un seul coup, tu as vu ça, c'était... Ah bah voilà, ça. T'as vu Fred comment, il s'exprime, il pourrait que présenter un peu comme toi. Bah on cherche la succession là. On est dessus. Voilà. Bah bienvenue. Donc c'est le truc à suivre, quoi. Merci. Alors, merci Oblaco, en tout cas. La réunion est là, 974. Toujours. Et donc toi pour te suivre aussi si les gens veulent. Alors moi c'est pareil, sur tous les réseaux sociaux, pardon, Tipimente. Tipimente. Ouais. Truc épique. Écoutez voilà. Bien les lyrics. Bon, c'est en créole. C'est en créole, mais les lyrics, c'est piquant. C'est piquant et les clips, comme les clips sont métaphorés, imagés, donc même si on ne comprend pas le créole, on va comprendre. Et on sentira la vibe. Voilà. Et bon, peut-être qu'on t'écoutera aussi en live. Là, je sens Rice chaud, bouillant. Tranquille. C'est parti. Et c'est reparti. Freestyle party. Mets-moi du son dans le casque, frisson garanti. Qu'est-ce qui se passe? Peu même paiera au ralenti. Oh, c'est la gâchette d'un purse Nike qui a retenti. Ok. Freestyle pagaille, je viens chanter. Skyrock, les micros sont branchés. Allez leur dire que je suis là. Ma mission, non, je vais pas flancher. Je vais la faire jusqu'au bout, je vais m'accrocher à fond. T'inquiète pas, c'est pas un texte, je te le répète, c'est de l'improvisation. Jazzy, il connaît. J'aime donner le truc comme il faut. Y'a pas de problème, Blaco. Y'a cliqué, petit impro. Ça glisse tout seul. Ça glisse tout seul. Ah, okay. Lego. Okay. De quoi tu veux qu'on parle, Jazzy? Dis-moi un bail. Vas-y, dis-moi. LETC. Réunion. LETC. Ok. Ça, c'est LETC. Ça me rappelle l'époque où même j'étais au lycée. Jeune et inconscient. Excusez-moi, madame, est-ce que je peux aller pisser? J'esquissais les cours tranquillement pour aller aiguiser mes cours. En fait, mes cours, c'était du rap. Parce que dans le rap, j'y mettais trop d'amour. Le temps est compté, j'ai un peu vieilli. Mais je suis toujours ce genre de militaire dans son treillis. Je te jure, je lâche pas l'affaire. Je reste accroché à mes rêves. Tu veux que je te parle de mes titres? Préviens lécher la relève. La relève, hey, 36 piges, j'ai la bave aux lèvres. Qu'est-ce qui se passe? Ouais frère, ok, choisis de prendre le temps. Le temps est compté bien évidemment. Dépasser tes limites à tout instant. Parce que le nerf de la guerre c'est de l'argent. Si t'en as pas tes dettes, eh ouais ça c'est sûr. Dans la boîte aux lettres, on reçoit trop de factures. J'en bafouille mais t'as saisi le sujet. Quoi qu'est-ce qui se passe, un pro non rédigé. Combien de fois dois-je le dire? Y'a pas de problème, je suis un sniper. Donc moi quoi je tire? Sur la cible, pas sur les refs des TK. Tire sur... ok, tu veux mixer? Non problème, Jazzy tu veux kicker ça ou... Bon alors on parle de quoi encore? Donne-moi un temps, le temps est compté toujours. La réunion, calme, c'est parti. La Réunion c'est l'île que j'aime représenter. Et ça je vais le faire sans même plaisanter. Toi-même tu sais qui c'est derrière le micro. B-B-B-B-B-B-L-A-C-E-K-O. La Réunion mon petit pays. Même quand il est sur Paris. Mes yeux que m'y aime Ali. Jamais m'y oublie Ali. Ça c'est pour mes frères réunionnais. On nous entend pas trop mais maintenant on nous reconnaît. 9-7-4, on joue pas les gros bonnets. On arrive quoi frère, on prend le trône et tout ce qui va avec. Inquiète même pas comme on dit. Inquiète même pas comme on dit. Inquiète même pas comme on dit. Donne-moi un autre sujet, c'est mon improvisation, je te dis. Hey Jazzy, tu me suis toujours, donne-moi des mots. J'ai besoin. À 30 ans, je veux mon Rolex. Ah, voilà. À 30 ans, je veux ma villa. Laisse-le rouler. À 30 ans, tu me le donnes sur la Jazzy. T'as le joueur de villa. S-A-L-O-N-N-O-R-D. Jazzy, fiso. Jeune talent. Jeune talent. Pour les mecs, je ne ferai. C'est pour les frères, si on en a assez. C'est pour les frères du U à la SE. Devant les keufs, t'es passé à table, kick le dessus. Donc on va se débarrasser. Ça passe à la pharmacie. Avant de partir en teuf, je ramène les lones et les bressons. Si les canons, ce n'est pas assez. Fourré quand je t'entends nous menacer. Sans petite garde à vue, 8 heures sans m'élaser. Dit orage, ma butte est tellement longue. Qu'elle penche comme un joint mal tassé. En jet ski, j'arrive par la scène. Il y salon d'or, on est tellement fils. Comme leur carrière et leur dégaine sont en deuil normal qui font les têtes dans le thermo. À 30 ans, je veux ma Rolex 30 ans. À 30 ans, je veux ma villa. Bla bla bla. À 30 ans, je veux une Aston Martin. T'as les joueurs d'Aston Villa. Touche du bois. À 30 ans, je veux ma Rolex. À 30 ans, je veux ma villa. À 30 ans, je veux une Aston Martin. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Les joueurs d'Aston Villa. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça qu'on aime. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça qu'on aime. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça qu'on aime. Et c'est le freestyle, guys. Ça, c'est un petit son de Jazzy Fizzo qui est passé au passage. Mais bon, là, je vais en style libre. Toi, moi-même, choisis tout seul de quoi je vais parler. Jordan. Non. Comme Jordan. Ok. Tu veux que je parle de Jordan? J'arrive fâché. Je commence à écarter les bœufs, je lève le bras, je suis fâché. Je prends l'instrumental, je vais se matcher. Quoi qu'est-ce qui se passe, mes impros ne sont jamais à l'arracher. Je vise comme au lancer franc, jamais je ne rate. Quoi qu'est-ce qui se passe, le rap game, je le prends, je le braque. Je décolle de la ligne des lancers francs. Mon freestyle, conscient, tu le prends. Freestyle pagaille, on vient chanter. Plus besoin de stylo ni de papier. LTEC. Disponible depuis le 2 février. LTEC. En digital, tu peux aller le trouver. LTEC. LTEC, c'est la nouvelle nouveauté. C'est sorti, je crois, depuis le 9 février. Attends, laisse-moi raconter. J'ai mis du temps et de la sueur. Aujourd'hui, je suis là, c'était le tunnel, mais je vois un peu de lueur. Ok, j'arrive, je reste accroché à mes rêves encore. Pas de problème, frère, j'ai mis tant d'efforts. Inch'Allah, on me donnera peut-être un disque d'or. Si j'avoue, pour tous les gens qui disaient que j'étais mort. Toujours vivant, j'avance doucement. Tu parles sur moi, mais je ne t'entends pas du tout, donc ferme-la. Moi je suis là, 2015, regarde, je remets ça. Quoi qu'est-ce qu'il y a? Ça mixe encore. Bra. Ça mixe, ça mixe. LTEC Blanco, est-ce qu'on y va? Ok. Est-ce qu'à Skyrock tout le monde est chaud? Yeah. Est-ce qu'à Skyrock tout le monde est chaud? Ouais. Est-ce qu'à Skyrock tout le monde est chaud? Petite impro. Les gens disent que j'arrivais pas à Pera. Y'a pas de problème, Blanco, toujours opéra. Sionnel sur le son, je le suis depuis que je suis marmaille. Pas de problème, le hip-hop, mon cahier, ma bataille. Parce que le son c'est ma vie. Dans une impro, je te donne juste mon avis. Écoute LTEC, mon frérot, je te convie. À écouter l'œuvre de ma propre vie. Je suis pas là pour m'inventer un game, ni pour m'inventer un rôle. J'en bafouille, je m'en bats les couilles, mais je suis toujours là, je gère mes affaires. Même si ça bafouille, je reste conscient. J'ai pas raconté de la merde, même en impro, t'inquiète, je prends le temps de maîtriser ce que je dis. Pas de problème, tu sais que je suis là, je ralentis, mais je suis reparti, t'as pas compris. Sur Skyrock en vivant et en direct. Allez, merci à tout le monde ce soir. Ça suit direct. Hey. Mais hey, tu tues trop de gens là. Là, t'en as tué trop là, hein, quand même. Ah oui, énervé. Ah, j'ai chaud. Quand même. Tout ça dans ton chargeur. Bah franchement, je sais pas, ça sent rien. En tout cas, terrible de conclure avec ce live. Mais merci. Voilà. Avec Jazzy qui est là aussi. Si tu penses qu'on a travaillé quelque chose aujourd'hui. Avant ou il y a 3 jours. En fait, tu vois, moi ça fait vieux de dire ça, mais à mon époque, freestyle, ça voulait dire style libre. Ça veut dire que t'es tellement libre dans ton truc que t'oublies même les lyrics que tu dois faire. Tu balances ce que t'as et tu vois ce qui se passe. Et tu sens la vibe. Et tu l'as, voilà. Bon, avant de se quitter, dernier morceau, c'est important. Dernier morceau, c'est toi qui le choisis, Blanco. Oh là là, accroché à mes rêves, on a déjà mis ça. Laissez-moi un peu. J'ai encore envie de dépasser mes limites. Eh bah allons-y. Voilà, c'est le dernier morceau de cette semaine avec Blanco. Écoute ce son et voilà, et va faire ce que tu dois faire. Voilà, laisse les gens parler.

Placo avec nous. Et le Jaguar, Joey Star qui ambiance ce morceau dépasse tes limites. Venez faire la fête avec nous demain à Marseille pour ce morceau, ça va être lourd. Non, la... demain tu te trompes, vous serez à Montpellier demain. Montpellier, bon. Marseille, mais attends, c'est déjà passé. Il y a tellement d'émotions. Tu as oublié ta date à domicile à la maison. Il revient, il repart. Et Montpellier, puisqu'en effet, 7 février à Montpellier, le 20 février à Lyon, 21 à Bordeaux, le 10 mars à Metz, le 12 mars à Grenoble, le 14 à Rennes, le 16 à Toulouse, le 19 à Paris. Ça va être chaud. Et à 20, le 20 aussi à la Boule Noire, le 28 avril à Bourges, le 2 mai à Incourt, au festival Incourt Rock. Voilà pour les dates. Merci en tout cas pour cette belle semaine, Blacko. Vraiment, sincèrement, merci. Merci à vous pour l'accueil. C'était une pure semaine. Ça fait plaisir comme toujours. Merci à tes invités, tous ceux qui sont passés là. Nico Prod. C'est là avec nous ce soir. Monsieur Jazzy, c'est bon, tu récupères un peu les esprits. T'es revenu. T'es revenu. Montpellier demain. Demain c'est Montpellier. Et Rise, merci pour tout, bravo aussi. Si, merci. Merci à Blacko surtout, parce que c'est la famille, il nous a fait confiance aussi. Et franchement, un gros big up à nous. Et aussi, il faut pas. Factor. La famille aussi, il faut pas les oublier. Brixé qui était là aussi, on est déjà. Un petit message et tout. Le temps est compté et tout. Tu vois que seul l'amour me porte chaque jour. Et bah pour tous les gens qui sont enfermés à Fresnes ou à différents. Voilà, que l'amour il vous porte chaque jour, every day, en pensant à vos familles, à vos proches. C'est ça qui nous donne envie de résister, ouais. Yaman. Merci à vous tous. Et avant de se quitter, dernière roulette de la semaine dans Planète Rap. Mais après il y en aura une autre chez Difool aussi. C'est parti. Skyrock t'offre la superstar US Nicki Minaj en concert avec ta radio préférée. Raled de Bezac, de Besançon, ça va bien Raled? Ouais, bah, écoute, en pleine forme, on est avec Blacko, on a passé une super semaine avec Blacko. Yeah, salut à toi frère. Et pour conclure cette semaine avec toi Raled, on y va, c'est parti pour bien attaquer le week-end. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et bah c'est fait. Nicki Minaj, concert 25-26 mars, t'as deux places qui t'attendent Raled. Ouais. Et voilà, ouais. Tranquillement. Ouais. Passe une bonne soirée Raled. Ah, je peux passer une dédicace. Vas-y, on t'écoute. Let's go. Dédicace à toute la frappe à ETT, de Pergo, dédicace à ma mère, dédicace à toute la famille, et grosse dédicace à Blacko aussi. Merci à toi, frère. Yeah, merci à toi. Et bon, on te souhaite une bonne soirée. Merci vraiment, Blacko. Merci à vous tous. Merci, on peut faire deux, trois petites dédicaces rapides. Vas-y. Toujours et tout, la petite madame et mes trois princesses, Jaya, Alaya, Madia en premier lieu. Les gars de Montmagne aussi, on va pas tout le citer tout le monde parce qu'on n'a pas le temps, mais big up tout le monde. Deuil la barre, bien sûr, 95170, le 974 dans son intégralité. Et voilà quoi. Et tous les gens qui donnent la force à LTEC pour que l'oiseau puisse chanter, continuer à représenter sans plaisanter. Toi-même, tu connais qu'en fait, le taf est fait. Yaman! Merci à vous tous, merci Blacko. Et là, on va retrouver Tifoul sur Skyrock, c'est parti, c'est la radio libre. Merci Blacko. Merci Fredo. Et Fred, le retour tout à l'heure pour la doctrine Pompilop, Marie, c'est ça, ouais. Non, j'ai dit Big Up. Bon, ambiance ce soir, dites donc là. Et oh, ça commence fort. Ah ouais, attention, Marie fait Pompilop. J'ai des big up à Blacko. Je peux vous dire que la soirée va être chaude, c'est parti. Donc Fred, à tout à l'heure, à partir de minuit. Et d'ici minuit, Radio Libre, c'est parti avec Oti Genesis. I'm in love with the Coco. Nouveauté ce soir dans la Radio Libre. Restez bien à l'écoute, je vous explique tout dans un instant. Grosse nouveauté, un grand combat dont je vous parlerai d'ici quelques instants après. Oti Genesis et Coco sur Skyrock.